بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سؤال هل يجوز الاحتجاج بالقدر لترك الواجبات أو ارتكاب المنهيات والمحرمات لا يجوز لا يجوز لا يجوز لسه القدر فكيف احتج آدم موسى فصدق آدم عدي سلاء موسى أن يتلومني على شيء قد قدر الله علي 40 سنة قبل أن يخلقني وتابع على هذا يجوز أن تقول قدر الله إذا تابع إلى ما أرجعه بعد التوبة après avoir fait la faute il est permis à la personne de dire قدر الله ما شاء فعل وشيء ثاني on avait dit par rapport à ce hadith Ah ouais, le fait d'être sorti du Jannah et non pas d'avoir mangé le fruit. Manger de l'arbre plutôt. Le fruit, ça, il n'y a pas de truc qui dit que c'est un fruit écrit manger de l'arbre. Non. طيب, Alain Ouassil, qui force une jadid, wa huwa fi darurat al-iman bil qadar wa shara. La nécessité de devoir croire au qadar et au shara. Et ça, c'est parmi les khasaïs de mu'min, de croire au qadar. Idh hadha min arkan al-iman. Le kafir ne croit pas au qadar. Ou s'il y croit, c'est de façon philosophique. Comme ça, selon ses normes à lui. Pas de façon gérée par la religion. Même des fois, ils croient au destin, ils ne croient même pas au Seigneur, d'après eux. C'est-à-dire qu'ils sont complètement dans la confusion. قال المؤلف رحمه الله تعالى لابد للإنسان من الإيمان بالقدر لأنه أحد أركان الإيمان الستة ولأنه من تمام التوحيد الربوبية ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة. Donc, il est obligatoire pour la personne d'avoir la foi au qadar. Car elle est parmi les piliers de la foi, comme on l'a dit, les six, et qui fait parmi les choses qui complètent le tawhid dans le rububiyya. Et qui, par celui-là, se concrétise le tawakkul sur Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de remettre les choses à lui, vers Allah, tout en prenant les asbab sahiha. وَلِيَنَّ بِهِ اِتْمِئْنَانَ الْإِنسَانِ فِي حَيَاتِهِ حَيْثُ يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ يُخْطِئَهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ يُصِيبَهُ. Et par rapport à cela, la personne s'apaise du fait que tout ce qu'il a atteint, il sait que c'était écrit que cela devait l'atteindre. Et ce qu'il n'a pas eu, ayeb kazalik. Car cela évite, comme le dit le chef par la suite, que la personne soit imbue de sa personne. Elle pense que ce qu'elle a obtenu, c'est par elle-même. Ou alors, le contraire, qu'elle soit atteinte d'une grande déception et qu'elle se dise que ce qu'elle n'a pas obtenu, c'est par elle-même sa cause. Ça, on avait pris dans Kitab Tawhid le fait d'attribuer les choses aux gens, aux asbeb. D'ailleurs, tu vois les koufars, mais Salen, lorsqu'ils veulent quelque chose et qu'ils n'arrivent pas à l'avoir, ils font la révolution pour ça. Donc, quand une chose, ils font tout, ils ont fait tous les asbab qui leur étaient possibles et que malgré tout, ils n'arrivent pas à leur résultat, tu les vois dans une déception et dans une tristesse et une colère incomparable. Et il faut obliger, par exemple, ils vont dire, ce n'est pas possible que vous n'ayez pas pu faire telle et telle chose. Ils vont te dire, on a fait ça, ça, ça. Vous avez fait une erreur quelque part. Obligé une erreur quelque part pour eux. Ils n'existent pas, c'est Qadar Allah Mashafa'al. Lorsqu'ils arrivent à obtenir une chose, ils la remettent à eux-mêmes. C'est grâce à nous, grâce à notre projet, grâce à notre entreprise, grâce à notre armée, grâce à notre argent, grâce à notre intelligence, et ainsi de suite. Et ces deux choses, Allah subhanahu wa ta'ala les indiquait dans son livre. Qala, ma asaba min musibatin fil ard wa la fi anfusikum illa fi kitab. من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا ولا ما فاتكم ولا تفرحوا بما أعطاكم والله لا يحب كل مختل فخور. الذي كان عليه qui vous a atteint sur terre ou en vous-même, sauf que cela soit dans un kitab avant que nous l'ayons créé, c'est-à-dire que ça a déjà été écrit, et cela est facile pour Allah afin que vous ne soyez pas attristés de ce qui vous a échappé, que vous ne réjouissiez pas de ce que vous avez obtenu. Tu sais que tout cela est provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا بُدَّ لِلْإِنسَانِ أَيْضًا مِنَ الْإِيمَانِ بِالْشَرْعِ وَهُوَ مَا جَاءَ بِهِ الرُّسُلُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا مِنَ الْجَزَاءِ وَالْجَزَاءِ ثَوَابًا وَعِقَابًا فَيَكُومُ بِمَا يُلْزِمُهُ نَحْوَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَيُؤْمِنُ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا مِنَ الْجَزَاءِ. Tout comme il revient l'obligatoire pour la personne de croire au shara, ce avec quoi les messagers sont venus, alayhi salatu wassalam, comme obligation et interdiction, et ce qui en résulte comme rétribution, qu'elle soit bonne ou mauvaise. D'accord ? C'est-à-dire que le abd se tient à ce qui lui a été rendu obligatoire et délaisse ce qui lui a été interdit. Pourquoi ? Car l'insan, il a une volonté, des objectifs, des choses qu'il veut atteindre. Donc il est obligé d'accomplir des actes qui lui permettent d'arriver à ses buts, à ses objectifs, ou des choses qui lui permettent de repousser ce qu'il ne veut pas. Il est obligé d'agir en conséquence. Et ces actes-là, qui lui permettent d'obtenir ce qu'il veut ou de repousser ce qu'il ne veut pas, sont basés sur des normes. Pourquoi ? Afin qu'il ne tombe pas dans ce qui le nuise. Et ces normes-là, quand même, elles sont gérées par quoi ? Par la législation. Car des fois, les êtres humains font des choses qu'ils voient comme étant un bien, elles ne le sont pas. Ou le contraire. « Asan takru shay'an wa khayrun lakum » Comme Allah Azza wa Jal, « Wa asan tuhibu shay'an wa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun » Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle soit bien pour vous. Ou le contraire. Et Allah, si vous ne savez pas. Donc ces choses-là sont gérées par le wahi divin, par la législation. Tout ce qui apporte comme bien, ce qui repousse comme mal, la législation elle-même l'a déjà désigné. Et cela provient de d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Alim, Al-Rahim, Al-Hakim. قال والعقل وإن كان تدرك النافع والضر في الجملة لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع. Qu'il se peut que la raison des fois arrive à percevoir des choses qui soient un mal ou un bien. Cependant, cela c'est de façon générale, bi jumla, d'une tafsil. Ce qui est venu avec une perception totale, qu'est-ce que c'est ? Al-shar, la législation. Des choses que tu n'imagines même pas qu'elles sont un mal alors qu'elles en sont un. L'exemple qu'on prend souvent, مثلاً, la mouche qui tombe dans le verre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah, il s'est dit, « Fichera bahadikum, fal yahmishu, qabl an yanzahu, fa inna fi had jinahi, da, wa fil akhar shifa. » Que celui, s'il y a une mouche qui tombe dans son verre, dans sa boisson, on va dire, qu'il la plonge avant de la sortir. Car l'une de ses ailes contient le poison et l'autre contient le remède. Et ça, le Aql, est-ce qu'il peut le savoir ? Abadan. Même, pour aller plus loin que ça, leurs sciences modernes n'ont pas pu percevoir cela jusqu'à présent. Car ils n'y croient pas, ce hadith. Et d'autres hadiths, comme ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit de tous les soirs de boucher tout ce qui est, tous les récipients. Car dans l'année, il y a une maladie qui descend. Allah fait descendre un mal, qui rentre dans tous les récipients. Combien de gens ont dû être tombés malades, ont cherché les causes, ils ne savent même pas pourquoi. La Allahu min dhalik. Ces choses-là, on ne peut les percevoir par la raison, on ne peut pas. Même par les asbab, al-kouniya que Allah nous a accordé, on ne peut pas non plus jusqu'à présent. Malgré cela, comme a dit le hadith, man zalallahu da'an ila jabi shifa. Que Allah n'a pas apporté une maladie ou un mal sans qu'il y ait avec un remède. Donc il dit, وَلِهَذَا نَقُولَ النَّفْعُ وَالدَّرَارُ قَدْ يَكُنُ مَعْلُومًا بِفِتْرَةً وَقَدْ يَكُنُ مَعْلُومًا بِالْعَقْلِ وَقَدْ يَكُنُ مَعْلُومًا بِالتَّجَرُّبِ. Il a écrit Tajarub. C'est Tajarub. Tajarub. وَقَدْ يَكُنْ مَعْرُومًا بِشَرَعْ فَالشَّرْعُ يَأْتِي مُؤَيِّدًا لِمَا شَهَدَتْ بِهِ الْفِطْرَةُ وَالْعَقْلُ وَالْتَجَارُبْ وَهَذَا تَأْتِي شَاهِدَةً لِمَا جَاءَ بِهِ الشَّرَعْ. Donc il se peut maintenant que le bien ou le mal soit perçu par la fitra, c'est-à-dire la nature saine, ou par le aql, ou par l'expérience. Et également par le shara. Et le shara en lui-même vient pour confirmer ce qui a été constaté par la fitra, par le aql et par l'expérience. le char ne s'oppose jamais à cela. Par contre, la fitra, ou le aql, ou le tajarrub, des fois, il peut y avoir une incohérence à nos yeux. Mais c'est le fitra, des choses que, sur lesquelles tu auras ijma des êtres humains à la base, à part vraiment un qui a plus de sa nature, elle, vraiment, elle était corrompue. Mais c'est l'aine, personne qui est devenu, on va dire, baalir, ou qui a un minimum de ta mise, va aller, mesalen, manger des najasat, à la base, des impuretés, comme des excréments, ce genre de choses. La fitra, ça, tu l'entends tout de suite. Des choses par le aql, mesalen, que tu vas voir, mesalen, le fait de faire du mal aux autres. Ton aql, tu sais que c'est pas bon. Et que ce mal, comme le prouve le tajarou par la suite, revient sur toi également. Même les koufars s'en rendent compte que l'injustice, elle se paye un jour. Mais des fois, on va dire, ce paiement, tu ne le vois pas forcément. Les gens, ils font du mal, et du mal, et du mal, et du mal. Et ils ne se rendent pas compte que ce mal leur revient dessus, mais ils ne se rendent pas compte. Ils persistent. Ça se trouve, il a du mal dans sa famille, dans ses biens. Il a plein de maladies. Il voit pas que c'est le mal de ce qu'il a fait, qui lui revient dessus. Il ne s'en rend pas compte. Lui, pour lui, s'il a fait un mal, il faut qu'il voit le même mal qu'il a fait, il revienne sur lui. Et des fois, le mal est bien, tu t'en rends même pas compte. Hein, que le kufr en lui-même, l'égarement, c'est tu payes le mal que tu as fait. Mais tu t'en rends pas compte. Et là, c'est quoi? L'istidraj. Que Allah te donne ce que tu souhaites et te rend aveugle de ces choses-là pour que tu persistes sur ton mal. Et cet istidraj lui-même, c'est quoi? C'est le fruit de ton mal. C'est le fruit de ton mal. Et tout cela, le char te le confirme. T'es à direct, il te montre que tout cela va avec. Qui coordonne avec la fitra, avec le aql et avec le tajarub. Des fois, des gens ils font des découvertes. Ils disent, on a découvert telle et telle chose. Adib, ils sont impressionnés. On dit, dans le Coran, c'est écrit. Dans le Coran, c'est écrit. Dans la sunna, c'est cité. Des choses qu'ils font, par exemple, les médecins trouvent des choses. On dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne telle et telle chose. Dans un hadith, tout simple. Et vous avez fallu des années d'expérience dans des laboratoires pour vous en rendre compte. Et le jour où on dit que la sunna l'a affirmé, ils disent, ben non, c'est qu'on a mal compris, on regarde une nouvelle fois alors. Il y a un truc qui ne va pas. Ils ne veulent pas accepter qu'un arabe qui ne savait ni lire ni écrire il y a plus d'un millénaire l'ait dit. Pour eux, c'est inacceptable. Pourquoi est-ce que c'est des gens orgueilleux? Je veux dire, comment ils savaient ça, lui? On dit, c'est Allah ce moment-là qui l'a révélé. On ne croit pas en Allah. Donc il y a un truc qui ne va pas. On refait l'expérience. Et après, on dit, ah, bon, on a découvert, en fait, on a fait une erreur. En réalité, c'est ça. Par kibr, c'est tout. Hein. Par ined, ils ne veulent pas. Donc après, il dit qu'après, les gens ont divergé sur certains actes, ceux qui sont beaux, ceux qui sont mauvais. Il y a des gens, ils voient une chose comme étant bonne alors qu'elle ne l'est pas. Ou une mauvaise alors qu'elle ne l'est pas. C'est quoi qui est venu trancher? Le shara. Pour te dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Que tu t'en rendes compte ou pas. Et ça, tu dois avoir l'imène. Bizarre. Le mu'min, il a foi en cela, obligatoirement. Car nous, lorsqu'on a un litige, c'est quoi le point de retour? C'est kitab wa sunnah. Et par contre, en ce qui touche à l'akhira, le bien pour l'obtention de l'akhira et repousser le mal de l'obtention du châtiment, ça, ton aql ne te le donnera pas. La fitra ne te le donnera pas. Le tajarub ne te donnera pas. Qu'est-ce qui te donnera? C'est char, fakat. Expérience. C'est des choses qui ont été connues. Non, le hissa, c'est le constat. C'est des choses que tu as vues, tu as senties. L'expérience, c'est des choses que tu as testées et après tu t'en rendais compte que ça l'aide, telle chose a amené à tel résultat. Comme les médicaments, par exemple. Les choses testées. Soumakal, faslun. إذا تبين أنه لابد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع فأعلم أن الناس ينقسموا في ذلك إلى قسمين. Après, il a dit, si les gens se sont rendus compte qu'il est obligatoire d'avoir la foi au qadr et au shar, sache pas que les gens, dans ce bab-là, sont de deux catégories. قال القسم الأول أهل الهدى والفلاح الذين آمنوا بقضاء الله وقدره. وقدره على ما سبق بيانه من المراتب الأربع. Donc Les premiers sont les gens de la guidée, de la réussite. Ceux qui ont cru au Qadar. Selon les preuves citées précédemment. وَأَمَنُوا أَيْضًا بِشَرْعِهِ فَقَامُوا بِأَمْرِهِ وَنَهِيهِ وَأَمَنُوا بِمَا تَرَتَّبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ جَزَاءِ وَلَمْ يَحْتَجُوا بِقَدَرِهِ عَلَى شَرْعِهِ أو بِشَرْعِهِ عَلَى قَدَرِهِ وَلَمْ يَجْعَلُوا ذَلِكَ تَنَاقُضًا مِنْ الْخَالِقِ. Également, ils ont cru à sa législation, qu'ils ont appliqué ses ordres et délaissé ses interdits. Ils ont cru en ce qui en découle comme rétribution bonne ou mauvaise et n'ont pas pris le Qadar comme prétexte pour pouvoir repousser le char. Pour dire, مثلاً, Allah veut que je fasse telle chose et l'Aql Maqadar le contraire. Tamam. Et ceux-là sont les gens du Haqq. الَّذِينَ حَقَقُوا مَقَامْ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Fatiha. Ces gens-là. وَالْمُؤْمِنُونَ بِمُقْتَدَى قُولِ اللَّهِ تَعَالَى أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. Les gens qui ont vraiment cru au fait que le décret et la création reviennent à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-A'raf, verset 54. Et le qisme thani, أَهْلُ الدَّلَالِ وَالْهَلَكِ الْمُخَالَفُونَ الْجَمَاعَ وَهُمْ ثَلَاثَ فِرَقْ مَجُوسِيَ مُشْرِكِيَ وَإِبْلِسِيَ. Ces gens-là, après, ceux qui sont les gens de la perdition et ceux qui s'opposent à la Jama'a, ils sont eux-mêmes en trois catégories principales, qui sont Al-Majusiyya, Al-Mushrikiyya ou Al-Iblisiyya. Après, à travers ces Tasmiyat, tu vas trouver des gens. Ça n'implique pas forcément un takfir, mais ça implique un raisonnement, que leur raisonnement a été pris de ces gens-là. Et ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cité dans le Coran, soit dans le chêne des Ma'jous, soit dans le chêne des Mouchriquines, soit dans le chêne de Iblis. Mais même des musulmans peuvent rentrer dans ces branches-là. Mathalan, Al-Majusiyya, c'est ce qu'on appelle les Qadariyya. Qui sont-ils? Ils ont cru au Shara. D'accord? Ils ont cru à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ont démenti le Qadar. Donc les exagérateurs parmi eux, Al-Ghurat, ils ont dit quoi? Que Allah ne connaît pas les choses avant qu'elles n'arrivent. فهؤلاء كفار et ce sont les gens pour lesquels sont partis ont été interrogés Abdullah ibn Omar dans le Muqaddima du hadith d'Ibril que des gens ils apprennent le Coran mais ils disent que l'umur unuf que Allah ne connaît pas les choses avant qu'elles n'arrivent donc ibn Omar est un kafar on a parlé d'eux au début du livre et parmi eux on trouve maintenant les Mu'tazila et ceux qui ont été d'accord avec eux. Deuxième, qu'est-ce des gens du Dalel, de l'Halak, Al-Mushrikiyya. Et ceux qui ont reconnu le Qadar, ceux pendant qu'ils ont fait le Qadar, ils l'ont pris comme argument pour contester le Shara. Comme a dit Allah Azza wa Jal, « Sayakoulou l'azine ashraku la usha'a Allah, ma ashrakna wa la aba'una wa la haramna min shay, kazalika kazzaba l'azine min qablihim hatta zaku ba'sana. » Qu'ils ont dit quoi? Ceux qui ont mécru ou qui ont associé, ils ont dit que si Allah avait voulu, nous n'aurions pas fait de shirk, ni nous ni nos pères, et nous n'aurions rendu interdit, nous n'aurions rien rendu interdit. Et c'est comme cela qu'on démentit ceux qui étaient avant eux, et ceux qui vous goûtent notre châtiment. Donc là, des gens aujourd'hui qui vont reconnaître le char, mais vont dire que lorsqu'ils vont faire un mal, que Allah il a qaddar. D'accord? Donc là, ces gens-là, ils ont pris la choubette de qui? Des mouchikines. Et chez les musulmans, tu vas en trouver des comme ça. Là. Thumma qala al-iblisiyya. Et c'est qui ceux-là? Ce sont ceux qui ont reconnu le shara et qui ont reconnu le qadar. Cependant, ils ont dit que cela est un anakod, en contradiction. Donc, ils sont amenés à quoi? À faire un tourne dans la hikmah d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ont diffamé cette hikmah. Comment Allah ordonne à ses serviteurs des choses? Et il leur accorde des choses qui s'opposent quand même à ses ordres. Par exemple, des gens, ils vont faire demain la hijra. Dans leur hijra, ils vont avoir des problèmes. Ils vont rentrer et dire, ah, ils m'ont dit de faire la hijra et quand je l'ai fait, je n'ai pas les asbeb pour pouvoir la réussir. Donc, je rentre. Il va avoir cette chouboîte-là. Pourquoi je fais ce que Allah m'ordonne de faire? Et il ne me voit pas pour que je puisse l'appliquer comme il se doit. C'est un akoud. Et ils ont la chouboîte. Ça dépend à quel degré. Ça dépend à quel degré. Ça peut arriver au couf, comme c'est celui qui est de Iblis. Quand Allah est un akhirun minou, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Quand Allah lui dit se prosterner pour Adam, il dit quoi, Iblis? Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et lui de terre. Donc comment me dis-tu de me prosterner devant lui alors que je suis meilleur que lui? Ça mène à quoi ça? C'est un accord entre ton ordre et ce que tu accordes d'elle sur moi. Il n'a pas accepté. Lui, ça arrive au couf. Et tu en as d'autres. Donc là, on réfute à ces gens-là parce qu'on a appris dans l'adresse d'hier, dans le Qadar, que tu n'as pas pris le Qadar pour délaisser ce que Allah SWT t'a ordonné de faire. Fumakol, Foslun. Donc, le Bihada, comme ça, demain, pour entendre le Tawhid directement. Amma Shar. Maintenant, il parle de la législation. Comme on l'a dit, c'est ce avec quoi les prophètes sont venus. Comme Ibadah pour Allah SWT, celle pour laquelle Allah a créé le Mukallafin. L'ins. L'ikullahi azawajel. Wama kharaktul djinn wal ins illa liya'budun. Ma'ruf. Et cela, c'est l'islam. Celui, la seule religion qui est acceptée auprès d'Allah azawajel. Comme a dit Allah azawajel, Wama yabtari ghal l'islam dina, falan yugbala minhu. Celui qui cherche une autre religion que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Al-Imran, verset 85. فالإسلام والاستسلام لله وحده بطاعته فعلا المأمور وتركا المحظور في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة. Donc c'est quoi l'islam? C'est la soumission à Allah seul, par l'obéissance, en appliquant les ordres, en délaissant les interdits. Et ça, ce qui était dans tous les temps. Même pour les oumams sabiqa. Et c'est ce qu'on appelle l'islam am, général. D'accord? Également, al-baratu min al-shirk wa ahli. Ça également. Mab awla, le délice le shirk et désavouer ces gens. Donc là, sur cela, on se base que les gens des milal sabiqa, ils étaient quoi? Des muslimoun. Des muslimoun. Avant que leur char ne soit mansour. Comme a dit Azza wa Jal, à propos de Nour, ce qui parle à son peuple, « فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » Que si jamais vous vous détournez, je ne vous demande aucune récompense. Ma récompense n'a comme que Allah et j'ai été ordonné d'être des muslimines soumis. Donc Nour a bien dit qu'il était musulman. « وَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Que Ibrahim n'était pas un Yahoud, ni un Juif, ni un Nasrani, ni un chrétien. Cependant, il était un Hanif, un Muslim. Il n'était pas de nombre des Mushrikin. Surat Al-Imran, verset 67. Il a dit à propos de Moussa, parce qu'il parle à son peuple, Ya qawmin kuntum amantum billahi, fa'ali tawakkalu in kuntum muslimin. Oh mon peuple! Si jamais vous croyez en Allah, alors c'est en lui que vous devez placer votre confiance si vous êtes des muslimines et soumis. Ou il a dit à propos de l'Assad de Isa, al-Hawariyoun, qu'il a dit, « وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِي رَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْحَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ » Lorsqu'il dit à Allah SWT dans le sens, lorsque nous avons révélé aux Hawariyins, c'est-à-dire l'Assad de Isa, de croire en moi et en mon messager, ils ont dit, nous croyons et témoignent que nous sommes muslimoun, des muslimines. Al-Ma'idah, verset 111. Et la reine de Saba, qui était avec Suleyman, Mazakalat, Rabbi ni zalamtu nafsi, waslamtu ma'a Suleyman, lillahi rabbil alamin. Ô Seigneur, j'étais injuste envers moi-même, et je me suis soumise avec Suleyman pour Allah, Seigneur des mondes, aslamtu. On a pris le ders là-dessus. Aslama. Ne veut pas dire en soi se convertir, qui veut dire rentrer en islam, c'est tout. La conversion, ça peut être grave, ça peut être large, ça peut être conversion au christianisme, ça peut être conversion au judaïsme, ça peut être conversion de l'euro en dollars, ça peut aller loin. Le musulman, celui qui a dit aslama, c'est le musulman. Et le verbe aslama, il est khas, rentrer en islam, se soumettre. Quand là, wa amma l'islam bil ma'na la khas, fa yakhtassu bi shari'ati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allah ta'ala, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Donc l'islam du sens khas, C'est celui par lequel est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au sens spécifique. Allah azawajal, dans le sens où il a dit, dit certes, ma salat et mon sacrifice et ma vie et ma mort sont pour Allah seul, Seigneur des mondes, sans associer. Et c'est à cela ou pour cela que j'ai, c'est cela qui m'a été ordonné et que je suis le premier des musulmans. Donc là, comment on dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est le premier des musulmans alors qu'on a pris les versets auparavant, que les autres prophètes l'étaient également. Ma'ana, premier des musulmans, l'islam khas, dans sa charia à lui, c'est le premier. D'accord ? Ama la wajh al-'am, kulluhum kanu ala dhalik. Et donc, fi kulli 'azza wa jall, huwa alladhi sammakum al-muslimin min qabl wa fi hadha liyakuna rasul shahidan 'alaykum. Il est celui que vous appelez musulmans. Donc ça c'est un ordre de ceux qui disent musulmans également. Allah l'a dit que vous appelez musulmans, pas musulmans. C'est un mot qui veut rien dire, musulmans. Et c'est même pas une traduction du mot musulman. Musulman, ça veut dire être soumis. Musulman, c'est un mot qui n'a pas de sens. Et comme on le dit souvent, ce terme-là, même dans les autres langues, tu ne le trouves pas. Ils vont dire musulman. Tu le trouves peut-être musulman chez les Russes. Ils disent musulmanin, ils m'ont dit des frères russes. Et peut-être chez les, tout ce qui est, comme l'espagnol. En dehors de cela, le mot musulman, il n'a pas d'origine. Dans le Coran, ce qui est venu, c'est musulman. Et musulman, on peut le dire musulman. C'est pas dire des musulmans. Ma fi wala suhuba. Musulman, tu sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas quel sens ça a, comme dit Jésus pour Isa, comme dit Abraham pour Ibrahim. C'est des mots, à la base, ils n'ont pas d'origine. Ça se trouve, il y a un istiza, où il y a une diffamation, une insulte. Comme ils ont dit Mahomet pour Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est des termes-là, Allah, dans le Coran, les termes légiférés, on les a, on les prend. Les autres, on n'a pas besoin. Muslim, si tu traduis, tu veux dire soumis. Musulman, ça ne veut rien dire. C'est un love, bidoun ma'ana. Il n'a pas de sens, musulman. Fahada, l'islam qui est venu après l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion qui est venue abroger toutes les autres législations auparavant, hormis cette coordonne qui n'ont pas été abrogées, parmi les rites. Comme a dit Allah azawajal, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ مَا لِذَلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Lorsque Allah il a pris justement le serment des autres prophètes, lorsque l'autre kitab leur est parvenu, ainsi qu'une sagesse, c'est-à-dire que lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam viendrait, vous devrez croire en lui et le suivre. Ils ont reconnu cela. D'accord, ils ont reconnu cela. وَقَالَا وَالَّذِي جَاءَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَ الرَّسُولِ قَبْلَهُ وَمُحَمَّدِ. Et cette chose qui est venue, qui confirme ce qui était auparavant avec eux, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le messager qui va venir confirmant ce qui était avec vous, avec des choses nouvelles, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. كما قال عز وجل وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Et nous avons fait descendre sur toi le livre en vérité confirmant ce qu'il y avait avant parmi les autres livres et les abrogeant. وقال تعالى هو الذي سورة المائدة 148. وقال تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Celui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la faire dominer sur toutes les religions. At-Tawbah, verset 33. Donc là, ça vient avec quoi? La législation. Qu'est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté comme nouveau, qu'il n'était pas auparavant, et ce loi qu'il est obligatoire de suivre aujourd'hui. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa alladhi nafsi Muhammad biyadi, la yasma' bi ahadun min hadi al-ummah, yani ummat ad-da'wah, yahudi wa nasrani, ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. Qu'il a dit صلى الله عليه وسلم que celui qui a l'âme de Mohammed dans sa main, personne n'entendra parler de moi parmi cette umma, c'est-à-dire umma et da'wa, c'est-à-dire les gens à qui il était envoyé, c'est-à-dire tous les hommes de son époque, car la umma se divise en deux, umma et da'wa ou umma et istijaba. Umma et da'wa, c'est ceux qu'on appelle à l'islam. Ummat al-Istijaba, ceux qui ont répondu à l'islam, sont les musulmans. Donc il dit parmi la Ummat de la Da'wah, personne n'a entendu parler de moi, qu'il soit Yahoudi, un Nasrani et qui n'a pas cru à mon message sans qu'il ne soit parmi les gens du feu. Donc le Nasrani ne peut pas dire moi j'ai cru en Isa, je suis croyant. Et le Yahoudi va dire moi j'ai cru en Moussa, je suis croyant. Là, tu dois croire en Mohammed, lazim, wujuban. Donc là, on voit que la divergence qu'il y a, est-ce que les gens d'avant les appellent musulmans ou pas, c'est un khilaf lafzi. C'est tout. Mais dans leur haq, ils étaient des musulmans. Dans quel islam? Islam am. Aujourd'hui, qu'on appelle ça islam am. Et eux, tant qu'ils appliquaient leur sharia de leur époque, celle avec laquelle sont venus leurs prophètes et leurs messagers, ils étaient musulmans. Ensuite, cela a été abrogé par l'islam khas, par lequel est venu Mohammed. Pas tout. Il y a des choses qui sont restées. D'accord? Pas tout. C'est pour cela que Shar man kana qablana laysa shalanana. Ce qui était une législation pour les gens d'avant nous ne l'est pas pour nous, sauf ceux qui coordonneraient. Donc ça veut dire que c'est demain une chose que les gens de Kitab ils font, on ne le fait pas tant qu'on n'a pas une preuve que dans l'islam, on doit le faire également. Même ta'ada, et des choses ont été abrogées, clairement. Donc celui qui prétend qu'il a une autre religion que celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a accepté en dehors de la sienne, qu'ils appellent Mathalen que les chrétiens sont nos frères et les juifs sont nos frères, lui c'est un mukadzib. Il dément le Coran, donc c'est un kafir. Car la Azza wa Jal, inna dina inda Allah al-Islam. C'est la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Elle est Imran, verset 19. Et le verset qu'on a pris auparavant. Tu ne peux dire cela. Le Nasrani, c'est un kafir. Et le Yahoudi, c'est un kafir. Si on entend parler de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ne croit pas en lui, c'est un kafir. Maintenant, s'il n'a pas reçu Al-Risala, ça c'est Al-Fitra, ça c'est autre chose. Et ça c'est plus pour les Nasara. Car le Yahoud, il sait qu'Isa est venu. Donc à la base, le Yahoudi aujourd'hui, au minimum, il doit être quoi? Nasrani. Au minimum. Au minimum. Maintenant, le Nasrani, parmi eux, si certains n'ont pas reçu Isa là, ils vivent dans des contrées éloignées, ils n'ont pas connu le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux, amrum ilallah. Dans cette dunya, c'est les koufars. S'ils meurent, nous amelum ou amalat les koufars. Mais fil akhir, là, on dit, c'est Allah, il va les tester. Elle est fitra. Mais nous, cette dunya, c'est les koufars. Mais aujourd'hui, ils sont très peu. Les gens qui n'ont pas entendu parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont vraiment, vraiment une minorité. La siyama, elle est kitab. Ils sont vraiment une minorité minime. Donc maintenant, إذا كان الإسلام أتبع شريعة القائمة فإنه إذا نسخ شيء منها لم يكن المنسوخ دينا بعد نسخه ولا اتباعه إسلاما. Que si jamais maintenant il y a une chose qui était avant légiférée, qui était abrogée, ce n'est plus une religion aujourd'hui. Et ce n'est plus de l'islam. Mathalan, le fait de faire face au Bayt al-Maqdis pour la salat, ça a été abrogé. Celui qui fait salat en se tournant vers Bayt al-Maqdis aujourd'hui, on dit ta salat elle est batila et c'est pas la salat des musulmans. C'est pas la salat des musulmans que tu fais. Tout comme le fait dans l'islam après la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'aller visiter les koubours avant que ce soit abrogé, cela n'était pas de l'islam, car c'était interdit. Après ça a été autorisé, c'est venu de l'islam. Donc ça c'est le kalam fima yata'allaq bishara. À la wajid al-umum, façon générale et résumée. Et min ghad, inshallah, ça n'a trouvé fi ma ya'talak bit-tawhid. Fahimta hadha? Tayyib, fa ila huna, wa alhamdu rabbil alamin.